famille me pointe un cop. Et si j'arrive en concert, au vel en hélicoptère. Je nique tout et je disparais comme Harry Potter. Ça résonne quand je passe, je crois que j'ai réveillé toute l'impasse. Je pourrais m'habiller comme un boss, je mets du DP, je suis en place. Petit fils de, tu parles de moi, je suis pas ton braque. Elle me regarde comme si elle voulait que je la saque. Petit fils de, tu parles de moi, je suis pas ton braque. Elle me regarde comme si elle voulait que je la saque. J'ai plein de nani, nananani, nanana. Gros pétard, playa sambo banana. J'ai fada ou quoi, j'ai parfum gabana. Avec ma mexicana, j'conduis le pana. Je suis de balle, ma caisse, ta caisse. Je fume un copette dans ma caisse. Et y'a des bons dans la caisse. Y'a des jaloux dans la tête. Et ta gadget t'a mis la laisse. Moi à personne je me rabaisse. Et les faux qui me disent la baisse. Et les bâtards ils donnent mon adresse. Là ils m'en pas. J'ai fait ma vie en bas. Les petits ils ont plus de mental. Quand ils s'alimentent pas. Tu me prends pour qui, me compare à qui. J'suis pas le genre de mec qu'on me baratine. J'voulais me la faire mais ça me la dise. On apprend pas à faire vite au garagiste. Moi si tu joules c'est l'ovni. Extraterrestre comme E.T. Je me dis que demain ça ira. Je serai sur la lune en Didi. Je prends un Uber, j'ai RDV. Parce que les képis mettent des PV. Quartier Nord, quand je suis TV. En mode d'organiser à la tête. Nani, nananani, nanana. Au pétard, playa sambo banana. J'ai fada ou quoi, j'ai parfum gabana. Avec ma mexicana, je conduis le pana.